Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Microphone Danny Veilleux. Bahia, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a remporté 11 médailles aux Jeux du Québec qui se déroulent actuellement dans la vieille capitale. C'est en judo que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est particulièrement distinguée avec 7 médailles. Marc-Alexandre Guérin est monté sur la plus haute marche du podium chez les moins de 55 kilos. En finale, elle a vaincu Jérémy Grenier, donc ce qui fait en sorte qu'il a remporté la médaille d'argent. Samuel Neptune chez les moins de 46 kilos et Laurence Gagnon chez les moins de 44 kilos ont remporté la médaille d'argent. Alexandre Desbiens, Marjorie Marceau et Mathilde Simard-Lejeune chez les moins de 48 kilos ont tant qu'à eux remporté la médaille de bronze. On était que Megan Savard a pris la quatrième place chez les moins de 48 kilos. En patinage de vitesse sur courte piste maintenant, 3 médailles également. Il s'agit de Aurélie Bergeron qui a remporté la médaille d'argent chez les 12 ans et moins. Elle était dans la même catégorie que Léa Tremblay, a terminé en 3e position pour remporter une médaille de bronze. Et aussi chez les 13 ans et plus, Anaë Lapointe a terminé au 6e rang. En ski de fond, Raphaël Pichet a obtenu la médaille d'argent. Et puisqu'il est question des Jeux du Québec, hier, on a parlé avec Arnaud Dubé. On sait qu'Arnaud Dubé dirigeait l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean en grande finale aux Jeux du Québec en hockey. Et dans un premier temps, c'était un parcours quand même assez mouvementé, qu'explique l'instructeur de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Arnaud Dubé. On savait qu'on avait quand même une chance d'atteindre cet objectif-là. On a un bon groupe de joueurs, là. On connaissait les forces de notre équipe. Puis on s'est incliné lors du premier match 5-4 face à l'Esprit. Fait que ça mettait nos chances là, assez limitées de poursuivre pour la ronde des médailles. Finalement, là, on a eu la chance d'être de notre côté un petit peu. On a affronté Laval au deuxième match. Okay. Puis eux devaient gagner, donc ils ont retiré leur gardien de but en fin de match. Ça nous a permis de marquer un quatrième but. Puis ainsi de suite, ça fait en sorte qu'on a pu se qualifier. Là. On a pu se qualifier pour la ronde des médailles. Puis en quart de finale, on a remporté le match en fusillade. En demi-finale, on a remporté le match aussi en fusillade. Puis on s'est rendu jusqu'au bout comme de cette façon-là. Dans un deuxième temps, Arnaud Dubé mentionne évidemment que le fait qu'ils ont joué 2 matchs en fusillade a certainement joué sur l'aspect énergie en grande finale. Explique l'instructeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Définitivement, là, ça a peut-être joué un petit peu contre nous. On a eu 2 grosses parties éliminatoires là, en fusillade où les matchs ont été très longs. Puis ça a été très émotif aussi. C'est sûr qu'on a brûlé du gaz là, dans ces 2 matchs-là. Je dirais que le match de finale, là, la première moitié du match, là, on était en contrôle, ça allait super bien. Puis c'est sûr qu'on a commencé à sentir un petit peu plus de fatigue plus le match avançait. Okay. Pour Arnaud Dubé, pas de doute que le hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean progresse de plus en plus. Au tableau des médailles aux Jeux du Québec, la région avec la grosse performance hier a maintenant 17 médailles, soit 2 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 7 médailles de bronze pour 17 au total. Hier, il y avait un match important. Hier, c'était le match final, le match décisif entre le Marcos Pub de Saint-Félicien et la formation des Saguenay de Scoutimi hier. Et ça a été une victoire hier du Marcos Pub à l'étranger. Le Marcos Pub qui a défait les Saguenay de Scoutimi 3-1 pour remporter la finale en 5 matchs lors du match décisif. Vincent Gagnon a dirigé l'attaque du Marcos Pub avec une position de 1 but de passe. Et notons également un doublé pour Simon Dumas pour les gagnants. Il y avait également le premier match des Éperviers de Normandin hier. Les Éperviers qui affrontaient les Saguenay de Scoutimi, ça se passait à l'aréna de Normandin. Victoire des Éperviers 4-3 contre les Sags. À noter dans le match que 2 buts pour Guillaume Tremblay, 1 but de passe pour Jérémy Ossé et Philippe Pécha a également marqué 1 but. Maintenant, on va y aller avec le classement à POC comme on vous le donne toutes les semaines sur le site internet classementapoc.com. On retrouve au niveau midget Au niveau midget, on retrouve la formation des Castors de Beaumont-Sisney au 29e rang. Les ambassadeurs de Spogama occupent le 32e rang. Et un bon géant pour le Marcos Pop de Saint-Félicien qui occupe maintenant le 39e rang. Au niveau bantam, les Rapides de Beaumont-Sisney sont au 8e rang. Les ambassadeurs de Spogama occupent le 51e rang. Et au niveau junior, notons que les Éperviers de Normandin sont au 11e rang et les Sabres de Roberval au 22e rang. Et Kevin Fortin-Simard a bien fait hier lors de la deuxième ronde du tournoi Mackenzie Tour. Ça s'est déroulé en Floride. Donc, Kevin Fortin-Simard hier a inscrit un pointage quand même intéressant qui le place au 68e rang. Donc, ça se poursuit aujourd'hui en Floride. Hier, il a ramené une carte de 73 plus 1. J'invite avec la section entrevue de dernierdesport.com. Hier, je m'y suis entretenu d'abord avec Stéphane Lebeau, où on parle évidemment du Canadien de Montréal. On compare Carey Price aux autres gardiens de but dans l'histoire du Canadien. Et vous pouvez également écouter une entrevue que j'ai réalisée avec l'instructeur-chef de l'équipe du Saint-Lac-Saint-Jean, Arnaud Dubé. Sport local et régional à dernierdesport.com. On s'en occupe.